Si on se libère, léger comme l'air, on peut s'envoler très haut dans les airs et s'embrasser dans un courant d'air, s'aimer sans en avoir l'air. Là où on frissonne comme en hiver, pourtant il fait chaud sous ton sourire solaire. En ce baiser doux comme l'atmosphère, aime-moi sans en avoir l'air, sans en avoir l'air. Voyez.